Je t'ai compris ça ? Al-Qaws. Ta lampe à l'allumer. Taïb. Comment ? Al-Qaws. Mithal, Kam Kitaban Indaka. Taïb. Le chiffre ici entre parenthèses, c'est quoi ? C'est le 3. Il dira Indi Talatatu Kutubin. Taïb, Inch'Allah ? Également, un petit truc qu'on a oublié, c'est que le chiffre, il ne prend pas de tanwin. Parce que ça fait quoi ? Un mondaf, mondaf ilia. Un sens de comme mondaf, mondaf ilia. Tu ne dis pas talatatun kutubin. Taïb, talatatu kutubin. Taïb. On s'est arrêté où ? Tfaddal. Vas-y, moi je lis, tu réponds direct. Kam akhan laka ya hamidu. Li khamsatu ikhwatun. Très bien. Li khamsatu ikhwatun. Kam amman laki ya layla. اخوتين عفوا اخوتين بارك الله فيكم نعم وي لي اربعه امام très bien كم ابن لك يا شيخ لي سته ابناء نعم ابناء كم سؤالا في هذا الدرس في هذا الدرس Sans utiliser d'ars, tu diras fihi. Fihi. Très bien. Thamaniyatu. Très bien. Soualatin. Soualatin. Ou as'ilatin plutôt. Taïb. As'ilatin. Taïb. Kam rakiban fil hafilati. Même un rakiban. Rakiban. La pas rakiban. Les passagers. Rakib. Rakib. Non. Rakiban. Voilà, avec un kaf. Taïb. Les passagers. Passagers, très bien. Kam rakiban fil hafilati. Tu diras. C'est neuf. فيها ثمانية تسعة نعم راكبين لا البلوريال لا بافي البلوريال ركوب ركوبين طيب كم ريالا في جيبك نعم كم ريالا في جيبك فيه سبعة ريالات ريالاني لا ريالاتي ريالاتي نعم كم ثمن هذا الكتاب عشرة ريالات طيب ثمنه تبغي عشرة ريالات طيب غكات اكتب الأعداد من ثلاثة إلى عشر واجعل كل من الكلمات الآتية معدودا لها هاي تدمد Écris les chiffres de 3 à 10. Waj'al kullan min al-kalimat la'atiya ma'dudan laha. Après, qu'est-ce que tu fais ? Les mots d'après, tu lui mets un. Par exemple, là, on a kitab. Tu diras quoi ? Indi talatatu kitab kutubin. C'est compris l'exercice là ? Ado Abdelkarim. Tu prends le chiffre. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prends le 3, on l'a fait le premier. Indi talatatu kutubin. Le 4, vas-y, qalam, tu diras. Très bien, mashallah. Indi arba'atu aqlamin. Au suivant. Tu utilises les chiffres de 3 à 10 en utilisant ces mots-là. Sinon, ça, laissez-le. Faites-le tous à la maison et demain, je vous poserai la question sur ça. Taïb, mashallah. Comme ça, vous aurez le temps de bien les faire. Taïb. Vous avez compris l'exercice ? C'est-à-dire tu le mets dans une phrase. T'as compris ? Les mots qui sont devant vous, regardez, les mots qui sont devant vous, vous les mettez dans une phrase et en utilisant chaque fois un nombre. Par exemple, Kitabun, tu prends le chiffre 3. Qalamun, comme il a fait Abdelkarim. Tajirun ila akhir. Taïb, Inch'Allah. Al-Kalimatu al-Jadidatu, al-Thamanu, c'est-à-dire le prix. Nisfun, la moitié. Riyalun, jam' riyalat, c'est le riyal. الحافلات جمع حافلات لبوس سؤال جمع أسئلة question البلد جمع بلاد pays أوروبا l'Europe فرنسا c'est la France مختلفة c'est-à-dire différence طيب ou différente طيب par exemple tu dis عنده لغات مختلفة différentes langues إلى الآخر اليوم جمع أيام Le jour, le pluriel. Al-Qirsh, Jam, Qurush. C'est pas une monnaie en Égypte, ça ? Ceux qui ont été en Égypte ? C'est des centimes, ça ? Taïb. Rakibun, Jam, Rukab.